Entendez les paroles qui échappent aux hommes les plus puissants, les plus élevés en dignité. Ils désirent le repos, ils vantent ses douceurs, ils le mettent au-dessus de tous les autres biens dont ils jouissent. Ils n'aspirent qu'à descendre du faîte des grandeurs, pourvu qu'ils puissent le faire sans danger. Car bien que rien au dehors ne l'attaque ni ne l'ébranle, la fortune est sujette à s'écrouler sur elle-même. Le divin Auguste, à qui les dieux avaient plus accordé qu'à tout autre mortel, ne cessa de réclamer pour soi le repos et de souhaiter d'être délivré des soins du gouvernement. Dans tous ses discours, il en revenait toujours à ce point qu'il espérait pour lui le repos. Au milieu de ses travaux, il trouvait, pour les alléger, une consolation illusoire, mais douce toutefois, en se disant « Quelques jours je vivrai pour moi ». Dans une de ses lettres, adressée au Sénat, où il assurait que son repos ne manquerait point de dignité et ne démentirait point sa gloire, j'ai remarqué ces mots. Mais de tels projets sont plus beaux à réaliser qu'en spéculation. Cependant, mon impatience de voir arriver un moment si passionnément désiré me procure du moins cet avantage, que puisque ce bien se fait encore attendre, j'en goûte d'avance les douceurs par le seul plaisir d'en parler. Combien faut-il que le repos lui parût précieux, puisqu'à défaut de la réalité, il en voulait jouir en imagination. Celui qui voyait tout soumis à son unique volonté, qui tenait en ses mains les destinées des hommes et des nations, envisageait avec joie le jour où il pourrait se dépouiller de toute sa grandeur. L'expérience lui avait prouvé combien ses biens, dont l'éclat remplissait toute la terre, coûtaient de sueur, et combien ils cachaient d'inquiétudes secrètes. Forcé de combattre à main armée d'abord ses concitoyens, ensuite ses collègues, enfin ses parents, il versa des flots de sang sur terre et sur mer, entraîné par la guerre en Macédoine, en Sicile, en Égypte, en Syrie et en Asie, et presque sur tous les rivages, il dirigea contre les étrangers du dehors ses armées lassées de massacrer des Romains. Tandis qu'il pacifie les Alpes et dompte des ennemis incorporés à l'Empire dont il troublait la paix, tandis qu'il en recule les limites au-delà du Rhin, de l'Euphrate et du Danube, dans Rome même, les poignards des Muréna, des Scépions, des Lépides, des Egnatius s'aiguisaient contre lui. À peine est-il échappé à leurs embûches, que sa fille et tant de jeunes patriciens, liés par l'adultère comme par un serment solennel, épouvantent sa vieillesse fatiguée et lui font craindre pis qu'une nouvelle Cléopâtre avec un autre Antoine. Avait-il amputé ses plaies avec, les membres même? D'autres renaissaient à l'instant. Ainsi, dans un corps trop chargé de sang, toujours quelque épanchement s'opère. Auguste désirait donc le repos. Dans cet espoir, dans cette pensée, il trouvait l'allègement de ses travaux. Tel était le vœu de celui qui pouvait combler les vœux de tout l'univers.